Ritza, amour secret. Yeah, yeah, yeah. As-tu déjà ressenti ce coup de cœur de folie, ce sentiment incompris t'amène une douce euphorie. Pourtant je m'étais promis de ne plus tomber love. Je laissais l'amour s'enfuir, mon cœur était sur off. Mais tout se passe en une seconde, tu crois être seul dans un monde avec une inconnue, je la suivrai comme son ombre. Et stop, je veux que le temps s'arrête, que nos regards se mélangent. J'ai trop de questions en tête, est-elle un diable ou un ange? Mais à ce moment précis, je me doute pas que je suis envoûté. Son visage est entré, qu'au fond de moi c'est gravé. Alors j'ai prié, avec elle je veux briller. Mon cœur fait boum boum, je suis pas prêt de l'oublier. J'ai pas eu le courage de lui dire que je suis tombé là. Je t'avoue c'est fou comme elle m'attire, son regard au-delà. J'ai pas osé aller la voir, lui avouer mon coup de cœur. Mais qui un jour aurait pu croire que je côtoierais le bonheur. J'ai kiffé, j'ai vibré, je t'avoue là je suis bluffé. Je ne peux pas le cacher, je suis tombé sous son charme. J'ai kiffé, j'ai rêvé à ses côtés, je veux m'envoler. Avec elle je veux décoller, je suis tombé sous son charme. Elle jour et nuit, tout ça me fait perdre la tête. Je ne comprends rien, je cogite. Je l'ai vu qu'une fois, je suis dingue d'elle. Tout se bouscule, je découvre un sentiment. Je ne m'attendais pas à ça, mais tout se passe si rapidement. Donc comment faire? Dois-je foncer ou fuir? Si mademoiselle veut un roi, je lui ferai le plus beau des empires. Yeah, j'aimerais t'en monter le temps, aller la voir, lui dire ce que je pense. Pour revivre ce court instant, cette sensation intense. Puis l'interpeller, lui prendre la main, lui dire droit dans les yeux, donne-moi une chance d'être le tien. Je te donne tout mon amour et t'offre ce qui me fait vivre. Je te donne mon cœur et si tu le veux on fonce pour le meilleur et le pire. Alors oui, on se connaît pas, oui je veux bien que t'aies peur. Si tu m'ouvrais tes bras et si c'était notre heure. J'ai pas eu le courage de lui dire que je suis tombé là. Je t'avoue c'est fou comme elle m'attire, son regard au-delà. J'ai pas osé aller la voir, lui avouer mon coup de cœur. Mais qui un jour aurait pu croire que je côtoierais le bonheur. J'ai kiffé, j'ai vibré, je t'avoue là je suis bluffé. Je ne peux pas le cacher, je suis tombé sous son charme. J'ai kiffé, j'ai rêvé à ses côtés, je veux m'envoler. Avec elle je veux décoller, je suis tombé sous son charme. Je suis tombé sous son charme. Je suis tombé sous son charme. Yeah, yeah. Je suis tombé sous son charme. Oh, yeah, yeah. Je suis tombé sous son charme. J'ai pas eu le courage de lui dire que je suis tombé là. Je t'avoue c'est fou comme elle m'attire, son regard au-delà. J'ai pas osé aller la voir, lui avouer mon coup de cœur. Mais qui un jour aurait pu croire que je côtoierais le bonheur. J'ai kiffé, j'ai vibré, je t'avoue là je suis bluffé. Je ne peux pas le cacher, je suis tombé sous son charme. J'ai kiffé, j'ai rêvé à ses côtés, je veux m'envoler. Avec elle je veux décoller, je suis tombé sous son charme.